Quatrième partie, chapitre 5, deuxième section, la manière d'assister à la messe. Combien de choses sont nécessaires pour entendre bien et avec fruit la sainte messe? Pour entendre bien et avec fruit la sainte messe, deux choses sont nécessaires. Premièrement, la modestie extérieure. Deuxièmement, la dévotion du cœur. En quoi consiste la modestie extérieure? La modestie extérieure consiste spécialement à être modestement vêtu, à observer le silence et le recueillement, et à se tenir autant que possible à genoux, excepté pendant les deux évangiles qu'on entend debout. En entendant la Sainte Messe, quelle est la meilleure manière de pratiquer la dévotion du cœur? La meilleure manière de pratiquer la dévotion du cœur en entendant la Sainte Messe est la suivante. Premièrement, unir dès le commencement son intention à celle du prêtre, offrant à Dieu le saint sacrifice pour les fins pour lesquelles il a été institué. Deuxièmement, suivre le prêtre en chacune des prières et des actions du sacrifice. Troisièmement, méditer la passion et la mort de Jésus-Christ et détester de tout son cœur les péchés qui en ont été la cause. Quatrièmement, faire la communion sacramentelle ou au moins la communion spirituelle pendant que le prêtre communie. Qu'est-ce que la communion spirituelle? La communion spirituelle est un grand désir de s'unir sacramentellement à Jésus-Christ en disant par exemple « Mon Seigneur Jésus-Christ, je désire de tout mon cœur de m'unir à vous, maintenant et pour toute l'éternité, et en faisant les mêmes actes qu'on fait avant et après la communion sacramentelle. » La récitation du rosaire ou d'autres prières pendant la Sainte Messe empêche-t-elle de l'entendre avec fruit? La récitation de ces prières n'empêche pas d'entendre la messe avec fruit, pourvu qu'on tâche le plus possible de suivre les cérémonies du Saint Sacrifice. Fait-on bien de prier aussi pour les autres en assistant à la Sainte Messe? On fait bien de prier aussi pour les autres en assistant à la Sainte Messe. Et même, le temps de la Sainte Messe est le meilleur pour prier à l'intention des vivants et des morts. Que faudrait-il faire quand la messe est finie? Quand la messe est finie, il faudrait remercier Dieu de la grâce qu'il nous a faite en nous donnant d'assister à ce grand sacrifice, et lui demander pardon des fautes que nous avons commises en y assistant.